La bénédiction cellulaire. Donc, c'est le titre de l'enregistrement présent. Étant donné que j'ai l'intention d'apporter une attention particulière aux cellules pour les investir de présence, de conscience, d'énergie, d'amour et pour favoriser leur régénération. Donc, c'est la raison du titre de l'enregistrement d'aujourd'hui par rapport à cette session de bénédiction. Eh bien, si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus pour vous joindre à moi sur le plan psychique. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que vous pouvez bénir à ma suite. Vous pouvez naturellement avoir vos propres bénédictions en complémentarité. Et vous pouvez aussi simultanément être présent aux propos tenus. Donc, en faisant à ce moment-là le cadeau de votre présence psychique. Et on va débuter dans les prochaines minutes, donc cette séance, pour celles et ceux qui m'accompagnent dans l'écoute de cet enregistrement audio, en vous proposant, en fait, en ce début, naturellement, de vous asseoir dans un endroit que vous savez qui va être calme et confortable dans les prochaines minutes. Un lieu qui est propice à l'intériorisation, qui est propice à la visualisation créatrice et à l'investissement intrique. Donc, investir de votre être certains éléments. Une fois que vous vous retrouvez dans un lieu qui est paisible, eh bien, vous pouvez fermer les yeux calmement et doucement. Par la suite, vous pouvez détendre les différents muscles de votre corps. En étant dans une position confortable pour diminuer les tensions, vous pouvez détendre les muscles de votre mâchoire en la gardant relâchée. Vous pouvez maintenant bénir votre centricité tout en prenant de grandes inspirations et expirations de manière à favoriser un état de centricité. Vous pouvez inspirer en visualisant que vous êtes dans la centricité et expirer en visualisant que cet état de centricité augmente. Donc, je vous propose d'être présent à votre inspiration et expiration dans les prochaines minutes. Parce que respirer consciemment est propice à un état de calme, un état de disposivité interne à ce qui peut émerger en vous. Et ça peut ensuite installer un état de cohérence. Donc, on va inspirer consciemment pour celles et ceux qui le désirent. Donc, on inspire et on expire. Donc, on inspire encore et on expire. On inspire encore. Et on expire. Encore une fois, inspiration et expiration. Bien sûr, vous pouvez continuer à inspirer tout en visualisant que vous vous installez dans l'état de centricité qui est propice à un état de calme. Et entre autres, je voulais vous mentionner en début de session de bénédiction que je lisais le livre de Frédéric Salmann. Je le lis encore, là. Mais il était question dans le livre « La santé devant soi » que la prière peut diminuer la fréquence cardiaque et la tension artérielle en plus de procurer un état de paix. Et en lisant ça, je me suis dit, il est possible que la bénédiction permette de réaliser telle chose. Donc, de générer entre autres un état de paix, c'est sûr, en bénissant la paix en soi pour la générer. Donc, en ayant une volonté d'être en paix pour manifester l'état d'être. Parce que si, par exemple, quelqu'un va prier parce que la personne est en guerre, puis elle veut avoir la paix, elle va prier dans l'espoir d'obtenir la paix, bien à ce moment-là, elle crée un décalage entre son état d'être qu'elle connaît présentement et celle qu'elle veut avoir. Alors que si la personne s'installe volontairement dans la paix, en visualisant qu'elle est en paix, eh bien, à ce moment-là, elle devient en paix parce qu'elle le décide. Tandis que si la personne prie dans l'espoir que Dieu va lui permettre de connaître la paix, ou les extraterrestres, ou les anges, elle peut prier longtemps, tandis que si elle bénit, c'est-à-dire qu'elle utilise la puissance de sa volonté en investissant sa conscience d'un état de paix, ben, à ce moment-là, elle va expérimenter un état de conscience régénératrice et qui peut être aussi régénératrice de son corps physique. Donc, c'est l'esprit de la démarche en lien avec les bénédictions. Donc, l'idée de bénir, c'est d'interférer par soi et pour soi sur le plan psychique en conscience. Bénir peut servir à se charger d'énergie. Parce que l'énergie est abondante partout dans le cosmos. Et la conscience est partout aussi dans le cosmos, dans le sens que la conscience est au-delà de la dimension physique. Donc, elle est au-delà du cerveau biologique. D'ailleurs, le cerveau biologique est le réceptacle des pensées d'une conscience qui peut se déplacer partout dans le cosmos. Donc, sur ces considérations, on va commencer. Donc, aujourd'hui, bien entendu, je voulais mettre l'emphase sur la bénédiction des cellules. Donc, je lisais récemment dans le livre « La santé devant soi » de Frédéric Salmann que nous produisons chaque seconde environ 20 millions de cellules. Et ces cellules qui sont produites servent à remplacer celles qui sont usées ou mortes, d'où la pertinence à ce moment-là de bénir la saine reproduction des cellules, que les nouvelles cellules dans notre corps biologique sont engendrées soit saines, soit codifiées sur des énergies qui soient propices à la santé. Par conséquent, je bénis ma génétique, mon patrimoine génétique et la saine reproduction de mes cellules. Je visualise mes cellules comme étant des bulles qui baignent dans le champ d'énergie de ma conscience et que ma conscience, en tant que champ de déploiement de ma personne sur le plan physique, eh bien, va amener ces bulles d'énergie, ces cellules, à être dans un état de régénération énergétique, être dans un état de paix, un état de calme, un état propice à la santé, un état qui est propice à la vitalité, un état propice à leur fonctionnement adéquat. Ensuite, en relation avec mon héritage génétique de mes ancêtres, eh bien, je bénis de manière à nettoyer toutes les programmations se rapportant à mes ancêtres qui peuvent m'avoir contaminé sur le plan énergétique en relation avec des traumatismes vécus par les passés, que ce soit mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents qui ont connu de la souffrance. Je bénis la constitution génétique de mes cellules qui se recréent et se régénèrent présentement en grande quantité de manière à ce que les cellules soient codifiées en fonction d'une programmation génétique parfaite. Et comme la possibilité de bénir nous permet d'agir sur le futur, le présent et le passé, et que le passé n'est rien d'autre qu'un présent avec un coefficient d'ancienneté, eh bien, je bénis mon passé. Je bénis également le passé de mes ancêtres et je bénis mon héritage génétique qui provient d'eux, de manière à ce que les gènes soient sains, les cellules aussi de mon corps biologique qui est la résultante d'un ADN qui me relie à des gens, soient ajustées à ma conscience. Donc, au lieu de subir passivement les programmations qui me mettent en relation avec des ancêtres du passé, je bénis ma capacité à investir mes cellules de bonheur, de joie de vivre, et à ce moment-là, de m'approprier psychiquement la programmation génétique de mes cellules et de réaliser que sur le plan de notre manière d'être, va nous permettre, avec notre conscience, d'interférer sur le fonctionnement et l'expression génétique. Donc, l'être humain n'est pas strictement déterminé par ses gènes, mais il peut agir sur sa génétique en utilisant la puissance de sa volonté et en réalisant que les gènes, les cellules sont des représentations dans le champ de ma conscience. Eh bien, à ce moment-là, je réalise que je ne suis pas séparé des différentes cellules qui composent mon corps biologique et qu'à ce moment-là, ma conscience, de par l'énergie qu'elle dégage, son taux vibratoire, peut agir sur mes cellules. Et c'est dans cet état d'esprit que je procède ici et maintenant à une série, en fait, de bénédictions sur le plan cellulaire. Donc, je bénis la viabilité de mes cellules. Je bénis la saine programmation cellulaire. Je bénis la capacité de mes cellules à se restaurer. Je bénis mes cellules qui est l'expression d'un déploiement sur le plan phénoménal, comme étant lié parfaitement à une force harmonisatrice psychique qui les lie sur le plan nouménal, c'est-à-dire le plan éthérique qui sous-entend le plan physique. Ensuite, je vais procéder à d'autres formes de bénédiction. Je bénis ma capacité à me charger d'énergie éthérique vitalisante. Je bénis ma capacité de digérer mes aliments. Je bénis ma capacité de mémorisation, mes facultés intellectuelles, de déduction, de synthèse, et aussi la capacité de canaliser à travers ma parole l'intelligence créatrice. Je bénis mon intelligence intuitive. Je bénis la circulation d'énergie dans tous mes chakras d'une manière adéquate. Je bénis l'harmonisation de mes corps subtils, émotionnels, mentaux et éthériques. Je bénis ma capacité à ressentir de l'amour, à en générer en moi et à la rayonner dans mes cellules, mais aussi dans ma vie de tous les jours, dans mes contacts avec les gens. Donc, je bénis cet amour qui me permet de me respecter et également de respecter les autres, tout en me laissant pas marcher sur les pieds. Je bénis ma capacité à faire preuve de gratitude, la capacité de savourer la vie, de l'apprécier, d'avoir de la reconnaissance et aussi de faire preuve de générosité envers moi à travers mes paroles, mes propos, mes gestes. Je bénis la régénération de mes organes qui sont composés de cellules. Je bénis ma joie de vivre. Je bénis la santé totale de mon ADN, de mon système nerveux et aussi du système sympathique et parasympathique associé à mon corps biologique. Je bénis ma capacité à m'harmoniser à la conscience universelle. Je bénis mon unité avec l'esprit et ma capacité de l'écouter. Je bénis mon audace, choix de commander activement plutôt que subir passivement l'univers. Je bénis ma capacité à m'exprimer à travers la parole. Je bénis les gens, l'environnement et les situations de manière à ce qu'ils soient favorables à mon épanouissement. Je commande à mon corps de produire les éléments favorisant sa santé, longévité et sa beauté. Je commande à mon corps d'avoir un système immunitaire efficace et d'augmenter sa masse musculaire. Je commande à mon être de répondre à tous mes besoins physiques, affectifs, intellectuels, financiers, énergétiques, etc. À présent, je vais utiliser bien ma capacité de visualisation et d'apporter ma conscience à certaines zones de mon corps biologique en investissant de présence, parce que la conscience permet de donner de l'énergie à ce à quoi on apporte de l'attention pour nourrir certaines parties de mon corps en les passant en revue, donc certaines parties de mon corps physique plus particulièrement. Et c'est sûr que les gens qui écoutent l'enregistrement, eh bien, ils peuvent aussi, s'ils le désirent, passer en revue certaines zones de leur corps en particulier pour les investir de leur présence, de leur conscience, de leur énergie. Donc, tout d'abord, je vais commencer par la tête. J'investis la tête de l'énergie de mon être global, ce que certains appellent l'énergie éthérique. J'investis ma tête d'énergie vitalisante. Je bénis les cheveux sur ma tête, donc et de manière à ce qu'ils poussent naturellement. Ensuite, je bénis les deux hémisphères de mon cerveau pour qu'ils soient harmonisés, pour qu'ils soient en paix et pour qu'ils soient investis d'une énergie qui permet d'être dans un état de vitalité, un état propice à l'expression de la créativité, de l'interception psychique d'idées créatives aussi. Je bénis mes yeux, qu'elles me permettent de voir et d'avoir une force de pénétration psychique qui me donne accès à un clairvoir, c'est-à-dire une capacité de percevoir les essences énergétiques derrière les individus, les événements et les lieux. Je bénis mes oreilles, ma capacité d'entendre les sons physiques et aussi les sons subtils. Je bénis ma gorge, qui est l'organe associé à la parole, la communication. Je bénis ma capacité à m'exprimer avec une parole chargée d'énergie harmonisatrice. Je bénis ensuite mon cœur pour qu'il pompe de manière adéquatement le sang, de manière à nourrir les organes de mon corps physique. Je bénis la capacité de mon corps et plus particulièrement de mon cœur à se restaurer sur le plan d'énergie. Je visualise que l'énergie de l'amour est présente dans mon cœur et qu'elle grandit au fil des jours, de plus en plus. Je bénis ensuite le fonctionnement adéquat de mes poumons, de manière à ce qu'ils puissent m'alimenter adéquatement en énergie. Je bénis le fonctionnement sain de mes reins en me représentant que la lumière les traverse. Je bénis aussi mes intestins, donc le circuit intestinal, l'intestin grêle et tous les volets de l'intestin là, jusqu'à l'anus. Je bénis ce circuit où transite de la nourriture qui a été digérée de manière à ce que ce soit une zone en particulier avec des cellules qui sont saines, des cellules renouvelées. Je bénis ensuite mon sexe de manière à ce qu'il soit en santé, qu'il me permette aussi de jouir de la vie totalement. Je bénis ma capacité orgasmique et son fonctionnement en tant qu'organe reproducteur et aussi en tant qu'organe qui me permet naturellement d'excréter les énergies usées. Je bénis ensuite mes bras, les coudes, les mains. Donc, je visualise que je bénis mes deux bras, mes deux mains simultanément en faisant passer à travers les os de l'épaule, ensuite des bras, des cartilages des doigts, de la lumière. Je bénis les jambes, les cuisses, les genoux, les pieds, pour les investir aussi de lumière, de vitalité. Je bénis ma peau pour qu'elle soit belle, en santé et qu'elle ait une bonne capacité de recevoir l'énergie solaire, de s'en alimenter, de s'en nourrir. Je bénis la force de mon corps physique et sa souplesse également. Je bénis aussi la capacité de mon corps à absorber les aliments, les éléments dans les aliments pour m'en nourrir totalement. Ma capacité d'absorber les vitamines, les nutriments, les minéraux qui sont essentiels au bon fonctionnement de mon corps physique, mon corps biologique. Je bénis aussi la puissance de mon système immunitaire pour faire face à toute forme de bactéries, de virus auxquels je peux être exposé dans la vie de tous les jours. Donc, je bénis mon système immunitaire en visualisant plus particulièrement qu'en étant heureux, en étant bien dans ma peau, installé dans le bonheur, eh bien, ça me permet d'avoir une énergie élevée qui est propice au maintien en force de ma capacité immunitaire. Ensuite, je vais bénir l'aura qui se rapporte à mon corps biologique. Mon état émotionnel, intellectuel, vibratoire, à ce que ces différents éléments soient harmonisés à ma volonté fondamentale d'être dans le bonheur, d'être dans la paix, d'être dans la joie, d'être dans la santé, dans la cohérence psychique. Je bénis ensuite le lieu où je vis, où je réside, pour qu'il soit investi de l'énergie régénératrice aussi et qu'il soit un lieu propice à m'entretenir sur le plan vibratoire, un peu comme mon animal de compagnie, dans mon cas étant un chat, de sorte que si mon état énergétique fluctue, eh bien, être en contact avec le lieu que je vis, en me le représentant psychiquement comme étant un lieu de pouvoir et en l'investissant sur le plan énergétique de telle sorte, qu'à chaque fois que je franchis la porte du lieu que je vis, eh bien, je rentre dans un champ d'énergie que j'ai constitué préalablement pour m'alimenter de manière à être dans l'énergie de régénération. Et je visualise et code sur le plan énergétique que à chaque fois que, par exemple, dans mon cas, le chat vient me visiter pour s'asseoir sur moi, eh bien, qu'il participe à me restaurer sur le plan physique, que le fait qu'il s'assied sur moi, eh bien, il va rééquilibrer mes vibrations. Ensuite, je bénis mon sommeil réparateur pour qu'à chaque fois que je dorme la nuit, je sois dans la paix de l'esprit, dans un état de calme. Je bénis dans mon cas ma compagne. C'est sûr que s'il y a des gens qui écoutent l'enregistrement qui ont un compagnon ou des gens qui, dans le fond, ils sont non-binaires. Là, ça peut être un compagnon homme, femme ou non-binaire, peu importe. Vous pouvez bénir la personne avec laquelle vous vivez, advenant le cas, ou vous nouez un lien relationnel significatif pour vous. Donc, dans mon cas, je bénis ma compagne, ma relation avec elle, le rapport à ma famille, le rapport à mes amis, aux gens qui m'entourent, de manière à ce que ces relations soient propices à ma santé, à ma cohérence psychique. Et bien entendu, je bénis ma capacité de bénir pour qu'elle soit toujours grandissante et que les bénédictions que je fais au fil du temps soient cumulatives. Et de bénir une fois de temps en temps, l'utilité, la fonction que ça a, c'est d'entretenir son champ d'énergie. Parce que dans la vie de tous les jours, on peut être confronté à des gens qui ont des vibrations dissonantes, où la dissonance peut entrer à travers la télévision, à travers des bulletins de nouvelles, à travers de la musique aussi discordante. Et c'est à la personne à mettre de l'ordre en elle et surtout agir pour se maintenir dans cet état de cohérence dans la vie de tous les jours. Car bénir, un peu comme s'entraîner physiquement ou prier, c'est facile. Mais de s'entraîner, de se maintenir dans un état qui est sain et de s'entretenir dans cet état, un peu comme quelqu'un qui s'entraîne régulièrement en salle pour maintenir une bonne santé physique, eh bien, ça demande de la volonté, ça demande aussi une forme de discipline psychique par rapport à soi-même. Et c'est sûr que dans ma vie de tous les jours, sans doute comme plusieurs d'entre vous, je suis confronté à toutes sortes d'intentions discordantes de gens de l'environnement, de programmation de télévision et ainsi de suite. Mais c'est en tant qu'individu que me revient le privilège d'agir en priorité pour moi dans ma vie et j'invite les gens à en faire autant. Si chaque personne s'occupe d'être bien dans sa peau, bien à ce moment-là, ces gens-là représentent une bénédiction pour l'ensemble de l'humanité parce que ces gens-là ne créeront pas de chaos ou du désordre. Quelqu'un qui est bien dans sa peau, il n'a pas envie de faire la guerre, il n'a pas envie de faire des attentats terroristes puis faire exploser des bombes ou des carnages en découpant des gens en morceaux. Non, quelqu'un qui est dans la paix va agir de manière pacificatrice. C'est sûr que ce ne sera pas non plus marcher sur les pieds là, par rapport à des autres personnes, mais ça va être un individu qui va être porteuse d'une vibration propice à la régénération de l'humanité en étant lui-même dans une disposition psychique propice à la régénération de son corps biologique, de ses organes et aussi de ses cellules. Donc, en terminant, je me permets de bénir toutes les gens qui, en tant que présence, m'ont accompagné depuis le début de l'écoute de cet enregistrement. et qu'il le désire naturellement. Par la suite, eh bien, je bénis, je code une intention de conscience, plus particulière aujourd'hui par rapport à des gens de mon environnement. Je pense entre autres à ma mère, à mon frère. Donc, des gens qui sont quand même rapprochés de moi sur le plan familial, de manière à ce que mes relations avec eux soient harmonieuses. Je visualise mentalement que la paix entre moi et eux est présente et que toute discorde ou tension qui ont eu cours dans le passé est ajustée ici et maintenant par l'expression d'une volonté ferme dans ma conscience d'installer un rapport pacifié avec eux. Je bénis ma capacité d'être dans un état de centricité en leur présence. Le fait que je peux avoir des divergences avec eux, que j'ai avec lesquels j'ai interagi, ne me descendra pas. Ouais, je bénis mon équilibre avec eux. Et c'est sur cette série de bénédictions que va se conclure cet enregistrement. Donc, pour les gens qui ont présentement les yeux fermés, de manière à être propice, à être disponible sur le plan psychique, à l'investissement qu'ils peuvent faire sur le plan de la bénédiction, eh bien, vous pouvez progressivement réouvrir les yeux. Vous pouvez progressivement bouger les bras, les mains, les pieds. Donc, reprendre contact avec le corps physique alors que vous étiez consciemment en contact avec vous-même dans l'optique d'utiliser votre présence pour investir certaines choses d'énergie de manière à favoriser votre épanouissement personnel. Sinon, ce que je dois dire en fin d'enregistrement, c'est qu'avec le temps, je réalise que je suis très proche, en réalité, des gens qui vont utiliser la prière. La prière, c'est dans une dynamique de la transcendance et la bénédiction dans l'immanence, mais un peu comme quelqu'un qui va fonctionner avec Apple ou avec un PC, donc avec un Mac ou un PC. C'est deux façons différentes d'interférer avec la réalité. C'est deux cadres différents sur le plan technologique d'utiliser l'informatique. Et la prière et la bénédiction, c'est deux cadres différents sur le plan énergétique d'interférer avec le réel. Et dans tous les cas, que la personne prie ou que la personne bénisse, l'essentiel, c'est l'intention qui est là. Donc, quelqu'un peut prier Dieu pour être heureux. Et à chaque fois que la personne pense que Dieu est amour, et si cette personne-là simultanément ressent de l'amour, bien, c'est intéressant pour elle parce que ça lui permet de vivre un état d'être qui est agréable. Et si la personne va bénir l'amour en elle, donc, puis elle ressent l'amour, bien, elle vit aussi dans un état d'amour. Sauf qu'il y en a un, en faisant appel à un Dieu transcendant, eh bien, la personne va interférer d'une certaine façon. Tandis que lorsque la personne bénit, elle interfère d'une façon différente. Mais dans les deux cas, la personne peut déployer des états d'être et s'installer consciemment dans ses états d'être en fonction de ses agissements. Comme quelqu'un, par exemple, peut bénir le repas pour qu'il soit chargé d'amour dans un état de gratitude avec sincérité. Puis la personne peut bénir ce qu'elle va manger au nom de l'absolu immanent relatif qui lui permet de constituer la réalité physique de ce qu'elle consomme en réalisant que les différents éléments, que ce soit des légumes, que ce soit des fruits, sont des représentations dans le champ de sa conscience. Qu'elle codifie sur le plan énergétique en les appréhendant, et comme la conscience est séparée de rien, ben, à ce moment-là, les éléments-là peuvent être investis de sa présence. Bon, là c'est vrai, je vais conclure cet enregistrement. Donc, je vous remercie pour celles et ceux qui m'auront accompagné jusqu'à la fin de l'enregistrement de votre présence. Parce que la présence, c'est quelque chose qui favorise des réalités énergétiques, le déploiement de certaines réalités. On parle d'ailleurs de la construction de corps d'énergie, qu'on va appeler des égrégores. Bon, ben moi, je bénis l'égrégore des gens qui bénissent pour que ce champ d'énergie soit propice au ressourcement de chaque personne qui cherche à s'y relier psychiquement. Et moi, en tant qu'individu, bon, la bénédiction, j'ai rien inventé. En passant, là, il y avait entre autres le philosophe jovialiste André Moreau qui procède à des bénédictions. Il y a eu d'autres personnes aussi dans le monde. Il y a le philosophe Nietzsche qui parlait de bénédiction. Donc, il y a eu d'autres personnes aussi. Mais le point, c'est qu'on peut se lier psychiquement à ceux qui bénissent, à cette structure d'énergie, et de l'évoquer pour en bénéficier dans la vie de tous les jours. Donc, quelqu'un qui, par exemple, vit un état de tension, un état de stress, la personne peut utiliser sa volonté pour dire « Et si maintenant, je me lie psychiquement au champ des gens qui vont faire de la prière ou de la bénédiction pour être ressourcé de cette énergie. » Et là, il est possible que la personne se sente mieux. La personne aussi peut invoquer directement l'énergie maîtresse de l'univers. Et elle peut visualiser que l'énergie va aller sur le plan physique où elle a besoin pour travailler certaines zones, certains organes, selon l'état qui est fluctuant dans le quotidien. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux bénir l'énergie qui me régénère et laisser l'énergie œuvrer. Et là, je visualise que l'énergie œuvre. Et dans mon cas, je vais voir l'énergie qui se promène dans mon corps physique. Et je vois l'énergie qui me remplit. Et qui participe à me régénérer et à présent ben, je me sens régénéré tout simplement. Et là c'est vrai, là je termine l'enregistrement, je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt, au revoir.